إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مرحبا بكم Bienvenue à vous, encore une fois. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se retrouve dans ce mois béni de Ramadan. Et quel bienfait de se retrouver parmi vous et de profiter. Quel bienfait d'étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'étudier le Coran et la Sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est toujours dans l'explication de sourate Abasa. On avait commencé hier le début, l'explication du début de cette sourate. Sourate Abasa, il s'est renfrogné. Et on avait cité la cause de la révélation de ces des premiers versets de cette sourate, avec l'histoire de cet homme aveugle qui est le compagnon qu'Allah l'agré, Abdullah ibn Ummi Maktoum. Quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était à Mecca, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à appeler les chefs de Quraysh, les associateurs, les mécréants, à les appeler à l'islam, car il espérait fortement à leur guider. Et à ce moment-là, cet homme, il est venu, cet homme aveugle, qu'Allah l'agré, le compagnon, car il voulait questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, pour qu'il lui enseigne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné et se détourna de lui. Et on avait cité les causes de cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait un reproche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, d'une façon douce. On avait cité les premiers versets: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Hein, qui te dit peut-être cherche-t-il à se purifier? C'est-à-dire que certes, cet homme aveugle est venu à toi pour se purifier, hein, de ses péchés, des mauvais comportements, etc. نعم أو يذكر فتنفعه الذكرى ou à s'en rappeler ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. أما من استغنى فأنت له تصدى. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, donc il parle ici de parmi les chefs du Quraysh, le riche, etc., celui qui se passe d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam, hein, qui ne désire pas rentrer dans l'islam, celui-là, il dit, tu vas avec empressement à sa rencontre. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ. نعم. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. C'est-à-dire que tu n'es pas responsable dans le fait de qu'il ne soit pas guidé. نعم. Car la guidée provient d'Allah Azza wa Jal seul. نعم. Il ne te convient de transmettre seulement. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْحَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى. On s'est arrêté là. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْحَى. Quant à celui qui vient à toi avec un empressement, quant à cet homme aveugle qui vient à toi en s'empressant car il désire ardemment le bien, hein, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui s'empresse car il veut saisir l'occasion d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui enseigne. Et l'homme aveugle, Abdullah ibn Ummi Maktoum, n'est pas venu à lui fatigué, lent avec paresse et apathie. Contrairement à ses associateurs de Quraysh, hein, qui ne viennent pas à toi et ne désirent pas ce que tu dis. Wahuwa yakhsha, tout en ayant la crainte. Comme on a cité juste avant, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme aveugle craint Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur, car il sait son immensité. قال فأنت عنه تلهى tu n'en soucies pas. Et comme on a vu auparavant, tu te détournes de lui et tu t'en occupes pas, car tu es préoccupé avec autrui, les chefs du peuple de Quraysh, en espérant qu'ils soient guidés. Et Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans l'explication de ces versets cités auparavant, tous les versets qu'on a cités de Abasa wa Tawalla jusqu'à Fa'anta anhu talaha. Il dit, il y a un grand bénéfice dans cela. Et c'est le but de l'envoi des messagers. Le but de ceux qui prêchent et exhortent. C'est le but de ceux qui font des rappels, de se diriger vers celui qui vient de sa propre personne. Celui qui a un désir ardent d'apprendre la religion, l'islam. Car il a besoin de toi. Cela est l'obligation la plus convenable. Quant à te confronter et à te diriger vers le riche qui se complaît dans sa suffisance, qui ne questionne pas et ne cherche pas à savoir car il ne désire pas le bien, le fait de délaisser celui qui est plus important que lui, certes cela n'est pas convenable. Car nul reproche à toi s'il ne se purifie pas en parlant du riche. S'il ne se purifie pas, tu ne seras pas jugé sur ce qu'il aura fait comme mal. Ces versets sont donc une preuve qui viennent appuyer une règle fondamentale connue en islam qui est, quelle est cette règle ? On ne délaisse pas une chose, une affaire connue, pour une chose illusoire, imaginaire. Et on ne délaisse pas un intérêt, un profit, certain, avéré, pour un intérêt imaginaire. Il est donc indispensable de se diriger vers l'étudiant en science qui en a besoin, qui a le désir ardent d'apprendre la science. Donc pour bien comprendre cette règle, qui est importante, on ne délaisse pas une chose, une affaire connue. C'est-à-dire que Abdullah ibn Ummi Maktoum, hein, c'est une chose connue qu'il voulait apprendre. Et qu'il y aurait un intérêt, un profit qui était avéré. Donc on ne délaisse pas cela pour aller vers une affaire, une chose, un intérêt imaginaire, illusoire. C'est-à-dire ces chefs de Quraysh, ces associateurs et ces mécréants qui ne désiraient pas l'islam. Donc c'est une chose improbable, illusoire. Donc il y a dans ce... Donc fin de la parole de Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il y a d'autres bénéfices à tirer hein, de ces versets. C'est l'importance... L'intérêt à prendre envers les musulmans et de leur enseigner ce qu'ils ont besoin. C'est important ici pour le prédicateur, celui qui appelle à l'islam. Il a besoin de ces règles. Il doit prendre soin des musulmans, les appeler à l'islam. Et encore plus, prendre soin de celui qui désire apprendre la science. Talab al-ilm, celui qui demande la science. Tandis que le fait d'appeler les koufars à l'islam, c'est une chose qui est demandée, na'am. Mais pas pour ceux qui ne le désirent pas. Et le fait de répéter la da'wa tout le temps, le fait de la suivre et de multiplier pour ceux qui ne désirent pas cela. Car celui qui se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il se détourne de lui. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après, Kalla innaha tadhkira. N'agis pas ainsi. C'est une mise en garde ici. Kalla. N'agis pas ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Innaha tadhkira. C'est-à-dire, ne recommence pas. Vraiment, ceci est un rappel. En vérité, cette exhortation est un rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette immense sourate, Abasa wa tawalla, ce qu'on a lu, les versets, et ce qu'elle contient est un rappel pour les croyants. Ils méditent dessus. Les versets du Coran qu'Allah a descendu sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est un rappel, une exhortation. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle par cette exhortation ses serviteurs et leur montre dans son livre ce qu'ils ont besoin. Il leur montre la guidée de l'égarement, le bien du mal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ » par la suite. Quiconque veut, donc s'en rappelle. C'est-à-dire que quiconque veut parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui désire et qui veut le bien, s'en rappelle. C'est-à-dire qu'il tire profit de cette exhortation, qu'il tire profit du Coran et qu'il le mette en pratique. Tandis que celui qui ne veut pas, car il ne désire pas apprendre, il ne désire pas rentrer dans l'islam, et ne désire pas le bien, ne désire pas ses exhortations. Celui-là, et c'est une mise en garde ici, c'est-à-dire qu'il ne s'en rappelle pas. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Kahf, verset 29, et dit, la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Ici, c'est une mise en garde, ce n'est pas un choix. Et c'est une réfutation à ceux qui disent la liberté de croyance. Hein, l'être humain, il a le choix de croire ou de ne pas croire. Wal'iyadu billah, ça c'est une parole de kufr, de mécréance. Ici, ce n'est pas un choix. Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas donné le choix de croire ou mécroire. Car Allah subhanahu wa ta'ala veut que chacun croit et il n'aime pas la mécréance. Et il a ordonné à toute l'humanité de croire. C'est une obligation. Mais quand il dit ici, il faut bien comprendre, quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne le choix ici, quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il mécroit, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé universellement qu'il y a des gens qui vont choisir de croire et d'autres de mécroire. Car Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve dans cette dunya. Mais d'un point de vue religieux, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas et n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Donc l'être humain ne choisit pas religieusement entre le kufr et l'iman, entre la mécréance et la foi. Mais plutôt, il est obligatoire pour lui. Il lui est ordonné de croire. Donc celui, quiconque veut, donc s'en rappelle. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fi suhufim mukarrama »« Fi suhufim mukarrama » »« Consigné dans les feuilles honorées » Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ici l'endroit où est consigné ce rappel, c'est-à-dire le Coran. Et il mentionne l'immensité et le haut degré de ce rappel. Il est consigné dans les feuilles honorées, c'est-à-dire dans la tablette préservée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Marfu'atim mutahhara. Élevé, purifié. Élevé, c'est-à-dire un haut rang et un haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Purifié. De sorte qu'il ne soit pas entre les mains des shayatins, des diables. Et qu'il ne les dérobe, qu'il ne les vole. Purifié, car seuls les purifiés, c'est-à-dire les anges, les touchent. Il est purifié de toute impureté. de tout rajout et de diminution. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est vérité, il est pur de tout mensonge et de fausseté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat, les versets détaillés, verset 42, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Cette révélation émanant, c'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Donc il est purifié de tout mensonge et de toute fausseté. Il n'y a pas de livre avant lui qui le dément, et ni après lui. Et c'est pour ça que c'est important d'honorer ce Coran et de le respecter, et de ne pas le mépriser. Car celui qui le méprise, comme par exemple le fait de le jeter dans des endroits mauvais, dans les ordures, etc., ceci est une mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc il faut faire attention au Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est pur. Bi aidi safara. Entre les mains d'ambassadeurs. Les ambassadeurs ici sont les anges. Car le mot safara, dans la langue arabe, c'est le pluriel de safir. Un ambassadeur, un seul. Et qui signifie un intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs, comme Jibril alayhi salam. C'est un intermédiaire entre Allah et le messager. Il transmet la révélation au messager, qui par la suite, le messager le transmet à sa communauté. Et il a été dit aussi parmi les paroles des savants que le mot safara, c'est-à-dire les ambassadeurs au pluriel ici, et le pluriel de safir, avec une prolongation, après le sin, safir, qui veut dire katib en langue arabe, qui veut dire celui qui écrit. Car ce sont les anges qui écrivent les œuvres des créatures. Ils écrivent et le transmettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait ce qu'ils écrivent au moment où ils l'écrivent. Et il sait avant leur écrit. Donc ici, les deux, ils sont corrects, inshallah, ou ta'ala, wallahu a'lam. Donc les deux explications ici, ils sont correctes. Non seulement les anges, ce sont des intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures, comme Jibril alayhi salam est intermédiaire pour transmettre la révélation, mais ce sont aussi ceux qui écrivent les actions des créatures, comme on a vu auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite décrit les anges. Kira min barara, noble, obéissant. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les anges comme nobles, c'est-à-dire qu'ils possèdent beaucoup de biens et de bénédictions. Ils sont nobles dans leur comportement, nobles dans leur apparence, car ils sont de la meilleure apparence et le meilleur caractère. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme obéissants. Car les anges ne tombent jamais dans le péché, ni dans la désobéissance et ni dans l'opposition. Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés de cela. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Sourate les prophètes, verset 26, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Et dans la même Sourate, verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ce qui montre qu'ils sont nobles et obéissants. قتل الإنسان ما أكفره. Que périsse l'homme qu'il est ingrat. Et avant cela, j'ai oublié de de dire un bénéfice que nous ramène Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, par rapport aux anges. Il dit tout cela est une protection d'Allah pour son livre, qu'il a mis des anges en tant qu'ambassadeurs qui sont nobles, forts et obéissants, et qu'il n'a pas laissé un chemin pour les shayatines, les diables, et cela implique, oblige à croire en ce livre, le Coran, et à l'accepter. Mais malgré tout cela, l'être humain persiste dans son refus et sa mécréance. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Que périsse l'homme, c'est-à-dire qu'il soit anéanti. Il a été dit aussi dans les explications, hein, qu'il soit maudit. L'homme ici, c'est le mécréant. Qu'il est ingrat, c'est-à-dire comme est grande sa mécréance en Allah et en ses bienfaits et au Coran. Comme est grande son obstination à refuser la vérité lorsqu'elle lui est montrée. Et ceci est une forme d'étonnement. Qu'il est ingrat. Dans le sens, yani, comment peut-il mécroire alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une raison. Il lui a envoyé les messagers, il lui a descendu les livres. Il lui a fourni toutes les choses nécessaires pour croire. Mais malgré cela, comme est immense sa mécréance, qu'il est ingrat. Comme son affaire est étonnante. Comment peut-il mécroire alors que toute chose est réunie pour lui, pour qu'il croive. La vérité est claire, ainsi que la guider. Hein, qu'il est ingrat dans toutes les formes de mécréance ici. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est ingrat, c'est-à-dire dans toutes les formes de mécréance. Et parmi celles-ci, le fait de renier la résurrection. Le fait de renier la résurrection et le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, min ayyi shay'in khalaqa, min nutfatin khalaqahu faqaddara, thumma as-sabila yassara, thumma amatahu faaqbara, thumma idha sha'a anshara, kalla lamma yaqdi ma amara. De quoi Allah l'a-t-il créé? Min ayyi shay'in khalaqa. Ici, c'est une interrogation, comme on l'a vu auparavant, pour affirmer, confirmer, hein, pour certifier. Pour certifier ce qui vient après. Hein, de quoi Allah l'a-t-il créé? Certes, min nutfatin khalaqahu faqaddara. D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. C'est-à-dire, ô toi l'homme qui mécrois à la résurrection, de quoi as-tu été créé? Tu n'étais rien auparavant. Tu n'étais même pas mentionnable. Et tu as été créé d'une goutte de sperme. C'est-à-dire d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate At-Tariq, l'astre nocturne, versets 6 et 7. Et par la suite, tu es devenu un être humain. Comment peux-tu mécroire à la résurrection? Il le crée et détermine son destin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat les croyants, verset 14, ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et comme il est venu dans le hadith qui est connu, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'a gréé, quand il a dit, hein, la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, puis sous celle de plasma sanguin pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair pour une même période. Puis un ange lui est envoyé, il insuffle l'esprit vital. Et reçoit l'ordre d'inscrire quatre décisions le concernant, à savoir ce qui lui est imparti comme bien et nourriture, subsistance, le délai de vie, actes et conditions heureuses ou malheureuses. Jusqu'à la fin du hadith. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé et ensuite a déterminé son destin. Puis il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ. Puis il lui facilite le chemin. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il lui facilite la voie pour sortir du ventre de sa mère. Comme il a été dit dans certaines explications ici, les savants ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité la sortie du ventre de sa mère, vivant. Et lui facilite aussi après cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Balad, la cité verset 10, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le chemin des deux seins de sa mère. Lorsqu'il sort, hein, il s'oriente directement vers quoi? Pour se nourrir, vers les seins de sa mère, afin qu'il se nourrisse. Et cela est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été dit aussi dans l'explication qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité ce qui est au-dessus de cela, encore plus important, le chemin de la guidée, du bien et de la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité le chemin de l'islam en lui montrant, en lui éclaircissant la vérité du faux, la guidée de l'égarement, et lui envoyant les messagers, en descendant les livres, en lui montrant les signes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité le chemin. Il lui a facilité les causes religieuses et mondaines et la voie à suivre afin de le tester par ses ordres et ses interdits. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Insan, l'homme, l'être humain, verset 3, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Puis il dit, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la mort lorsque vient son terme et le met dans la tombe, au tombeau. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a fait en sorte qu'il soit enterré. Il lui a donné ce bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain dans le fait d'être enterré. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'être humain soit mis dans une tombe, protégée, cachée. Allah n'a pas fait qu'il soit comme le reste des morts, c'est-à-dire comme les animaux, par exemple, hein, lorsqu'ils meurent, leurs cadavres gisent à même le sol, ils sont jetés, ils sont morts, hein, par terre. Et cela fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'être humain. Et même sur la famille de l'être humain. Car si l'être humain aurait été jeté comme les animaux, gisent à même le sol, lors de la mort, cela aurait été une humiliation pour la famille du défunt. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés de cela. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'être humain. Naam. Même pour le kafir, même pour le mécréant, subhanallah, il a droit d'être enterré. Hein, pour respect, pour le respect de l'humanité, yani. Comme ils disent les savants. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Comme on l'a vu. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voudra, quand il aura décidé, il le ressuscitera après sa mort pour la rétribution. Il ira vers le jour du jugement et vers les comptes. Soit vers le paradis ou l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui commande l'être humain et le gère. Il n'a pas d'associé. Rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ce pouvoir. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ. Puis il le ressuscitera quand il voudra. كَلَّا لَمَّا يَقْدِ مَا أَمَرَ. Eh bien non. L'être humain n'accomplit pas ce qu'il lui commande, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui commande. Malgré cela, l'être humain ne fait pas ce qu'Allah lui a ordonné et rendu obligatoire dans l'adoration, dans son unicité, dans toutes ses formes, ainsi que son obéissance. Mais plutôt il s'égare. Il mécroit en Allah. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, les coalisés verset 72, car il est très injuste et très ignorant. Hein? Et c'est là la majorité, yani la majorité des êtres humains, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf, verset 103, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et il est dit dans Surat Al-A'raf, et il dit dans Surat Al-A'raf, verset 102, et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Et ça, c'est la réalité, wallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est venu dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour du jugement, ô Adam, Adam répondra, me voilà pour te satisfaire, tout le bien est entre tes mains. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira, rassemble les gens de l'enfer. Adam dira, Allah subhanahu wa ta'ala dira à Afwan, rassemble les gens de l'enfer sur chaque 1999 personnes. Subhanallah. Sur chaque 1999 personnes. C'est-à-dire 999 personnes iront en enfer et une seule au paradis. Et ce hadith est assez long. On le citera, inshallah ta'ala, dans d'autres moments. Pour montrer que la réalité, c'est que la majorité des êtres humains ne croient pas. Naam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets suivants, ordonne oriente l'être humain à regarder attentivement, à méditer sur la nourriture, d'où est-ce qu'elle est venue. Et de qui? Qui d'autre a créé cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Il cite ces versets pour que l'être humain prenne une leçon et qu'il en déduit et tire argument sur la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bienfaits sur lui. فَلِيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fissure, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes. On va voir que légumes, c'est pas une bonne traduction ici, wallahu a'lam. Oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et bergers. Fruits et herbages, afouen. Pour votre jouissance et vos bestiaux. Et comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ici, hein, il cite ces versets pour que l'être humain prenne une leçon. Et on parlera de ça, inshallah ta'ala, dans le dars de demain. Barakallahu fikum. Donc on s'arrête ici, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم et on se retrouve بإذن الله demain à la même heure inshallah wa ta'ala. N'oubliez pas le prochain rendez-vous barakallahu fikum wa jazakum khayran avec notre noble frère qu'Allah lui facilite Omar Abu Saouda à 22h heure française le prochain cours inshallah ta'ala. Profitez barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته